pour pouvoir enregistrer notre nouvel album. Donc c'est cet album-là qu'on présente pour le moment. Et ça a été juste magique, le fait de revenir là-bas et de présenter, de faire des concerts, de présenter nos chansons. Ça veut dire que vous avez enregistré un album là-bas, ça veut dire que vous irez le présenter exactement fini là-bas. Exactement. Ah oui. On se réjouit. On ne sait pas encore exactement quand, mais ça va venir. Vous êtes chilien, vous êtes belge, vous êtes les deux, vous êtes... Liégeois, du monde. Chilien, du monde. Universel. Voilà. En tout cas, c'est ce que notre public et tous les beaux du Ravel pourra découvrir tout à l'heure, puisque vous serez sur la scène du Beau Vélo de Ravel avec vos nouvelles chansons à découvrir ici à Moresnet. Et puis, bien sûr, des extraits tout à l'heure aussi dans Vivacité en concert. Merci à tous les deux d'avoir merci été beaucoup des nôtres, merci Louis et Sergio. Et puis, bonne pour tout à l'heure. Ok. Super. À bientôt. Yes. Ciao, ciao. Retour à la musique sur Vivacité. On n'en parle pas, on l'écoute avec One Day. C'est Azaf Avidan. Solde incroyable au Meubles Moreau à Anu. Profitez de ristournes inimaginables. Jusqu'à 70% sur toutes nos collections au Meubles Moreau à Anu. Les soldes sont fantastiques au Meubles Moreau. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Vivacité présente le Phare Festival de Louvnier. Des artisans, artistes potiers et récupards sont fiers de vous présenter leur savoir-faire dans un marché haut en couleur. Animation, ateliers pour enfants et nombreux concerts covers. Le Phare Festival de Louvnier, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à minuit, autoroute 25, sortie Isprimon. Info sur 5joursphare.be. Vivacité et Ouf TV présentent Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about

C'est le pire week-end de l'année sur les routes. Beaucoup de bouchons en France. Chez nous, ça va même très bien pour le tourisme à la côte. Deux frères interpellés, soupçonnés de terrorisme, la conséquence de plusieurs perquisitions menées hier à Mons et à Liège. L'un des deux frères vient d'être inculpé. En football, la suite de la première journée de championnat. Quatre rencontres au programme ce soir, dont Moucron-Péruet-Anderlecht dans une heure. Le journal de 17h présenté par Natacha Stragier. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Le pic d'embouteillage a été atteint en France à 13h01. 688 km de bouchons cumulés. Les difficultés étaient concentrées surtout dans le sud et le sud-est, dans le sens des départs. Les premiers bouchons dans le sens des retours ont commencé à se former peu avant midi, mais sont beaucoup moins importants. Ils devraient toutefois durer jusque tard, ce soir, ce samedi. Et classé noir en France et rouge en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Espagne. Chez nous, la journée est classée orange, mais il n'y a pas eu vraiment de ralentissement dû au départ. Même pour la mer, la plupart des nouveaux vacanciers sont arrivés hier soir. Les campings, les hôtels et les appartements sont remplis à plus de 80%. Et à certains endroits, des réservations pour la semaine sont difficiles, comme dans ce complexe appartement à Nieuport. Reportage Ariane Dufresne, Dominique Delalle. Bonjour. Bonjour. Vous avez réservé au nom de Dieu Tom ? Ah, voilà, vacancier, depuis quelques minutes seulement. Oui. Et pour quelques jours seulement aussi. Oui. Jusque Mardi. Et vous venez de ? Andenne, près de Namur. Bah, à la base, on avait demandé pour la semaine, mais ça, c'était difficile. Et voilà, il restait 4 jours disponibles. On a pris en fonction. Donc, on espère trouver un hôtel pour achever la semaine, on verra. À tout à l'heure, merci. Je suis Jeff Mons, directeur du domaine de Floréal à Nieuport. Comment s'est passé le mois de juillet qui s'achève là maintenant ? On va clôturer avec 90% d'occupation pour ce mois de juillet. C'est à peu près 5% plus que les autres années. Une fois que le beau temps était là, les réservations, enfin le téléphone était rouge, comme on dit, par les appels téléphoniques. Ouais. Nous autres, on travaille surtout avec des Belges, aussi bien des francophones que des néerlandophones. Mois de juillet, plutôt des néerlandophones, tandis qu'en mois d'août, c'est souvent des francophones. On n'en sait plus sur cette opération antiterroriste qui a été menée hier et la nuit dernière en Wallonie. Plusieurs perquisitions ont eu lieu, notamment dans les régions de Mons et Liège. Deux frères ont été interpellés. L'un des deux vient d'être inculpé et placé sous mandat d'arrêt. Les précisions de Quentin Warlop. Oui, le parquet fédéral vient de nous le confirmer. Un des deux frères, Noureddine, a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour tentative d'homicide volontaire dans un contexte terroriste, ainsi que pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Alors, qui est-il ? Il a 33 ans, il est connu pour des faits de droit commun, il est radicalisé et il aurait d'abord joué un rôle de logisticien pour faciliter les départs ou retours de Syrie avant de basculer et d'élaborer d'autres plans. D'après nos informations, il a pas mal voyagé ces derniers temps et il avait des contacts à l'étranger, notamment en France. Le dossier, lui, est ouvert depuis plusieurs semaines, mais tout s'est accéléré quand les frères ont commencé à chercher du matériel, comprenez donc des armes. Le parquet fédéral confirme d'ailleurs que les deux hommes projetaient des attentats sur le sol belge. L'entourage des deux frères a donc été perquisitionné cette nuit. Des ordinateurs ont été emmenés pour vérification. Aucune arme ni explosif n'a été retrouvée. Alors, qui visait-il ? Quel est leur niveau de préparation ? C'est ce que veulent savoir les enquêteurs et c'est pour cela que les deux frères ont été emmenés et entendus par la police fédérale. En France, deux personnes, le cousin de l'un des tueurs et un réfugié syrien, sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le mineur de 16 ans interpellé mardi a été relâché, mais il n'en a pas fini avec la justice. Des documents de propagande djihadiste ont été retrouvés dans son téléphone et son ordinateur. Il ne serait toutefois pas impliqué dans l'assassinat et la prise d'otage de l'église. Le grand coup de balai continue en Turquie, 2 semaines après la tentative de coup d'État. Une vingtaine de journalistes viennent d'être emprisonnés. Ils sont accusés de liens avec une organisation terroriste. Une nouvelle décision dénoncée par plusieurs pays occidentaux. Mais le président turc Erdogan reste inflexible. Sandro Calderon. 21 journalistes ont comparu devant un tribunal d'Istanbul. 17 se sont réveillés en prison ce matin. Les juges les ont inculpés pour leur lien présumé avec une organisation terroriste. Sans être nommé, c'est encore une fois la confrérie de Fethullah Gulen qui est ici visée. Ce prédicateur exilé aux États-Unis est considéré par le président Erdogan comme étant l'instigateur du coup d'État manqué. Parmi les journalistes écroués figurent entre autres d'anciens collaborateurs du journal Zaman, un quotidien pro-Gulen jusqu'à sa reprise en main par le pouvoir le printemps dernier. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a défendu les actions menées contre la presse. Il a estimé qu'il fallait faire la différence entre les personnes impliquées dans le putsch et celles qui font du vrai journalisme. Quant au président Erdogan, critiqué pour l'ampleur des purges, il a conseillé aux Occidentaux de se mêler de leurs affaires. Plus de 18 000 personnes ont été incarcérées depuis le coup d'État manqué. 66 000 fonctionnaires ont été limogés. Le monde des affaires n'est plus épargné. Un grand patron turc a été appréhendé.